Alors, le déclin a commencé vers les années 50. Ah oui. Vers les années 50, ça a commencé. Il y a eu une petite reprise après-guerre. Une fois de 46 à 50, ça a repris un petit peu. Et puis, une fois 50, c'était terminé. Moi, quand j'étais apprenti chez mon oncle, chez René Morisot, il travaillait deux jours par semaine à la brasserie chez Guillaume pour aller porter des caisses de bière. Il n'avait plus qu'il de... Donc, quand j'ai sorti d'apprentissage, moi, il n'était plus question de poursuivre la lutherie. Hein. Les pires années, finalement. Ah, c'était les pires années. Et je crois que ça a commencé à reprendre vers les années... 70. Oh, vers 70. La guerre reprit avant 70. Hein.